On a fait beaucoup moins de bouillie, mais parce que on avait beaucoup moins de végétal. Il n'avait pas Merci. plu. Donc du coup, on avait moins de feuilles et beaucoup moins de tiges. S'il n'avait pas plu. Cette année, on a des lavandes qui sont bien vertes, qui sont bien touffues, etc. Donc, on devrait avoir des tiges qui sont longues, etc. Donc on aura plus de végétal. Et a priori, s'il y a plus de végétal, il y aura plus d'huile. Les années où il n'y a que de la sécheresse, on va avoir des tiges qui montent très peu. Et donc, si on en met moins à distiller, a priori, il y aura moins d'huile à la sortie, quoi. Parce qu'en fait, la partie fleurie, c'est la hampe, c'est ça? Comment ça s'appelle? Non, on a une tige et au bout, Oui. on a une fleur. La fleur. Et en fait, la taille de la fleur, c'est toujours la même, quelle que soit la longueur de la tige, ou plus la tige Ah est courte et non, plus la non, non. fleur est petite? Si les bonnes années, on peut aller jusqu'à. Sur la fleur de lavande, il y a des étages. C'est-à-dire, contrairement au lavandin qui ressemble plus à un épi de blé, sur la fleur de lavande, on va trouver des étages. Donc, une année moyenne, on va avoir 6-7 étages. Une bonne année, on va avoir 12 étages. Donc là encore, plus de fleurs, plus d'huile. Donc plus la tige est grande et plus la fleur est grande aussi. Ouais. Ça suit. Ouais. Et en fait, c'est Après, ce la... qu'on va craindre, c'est la grêle, parce que tant qu'il pleut là maintenant, c'est pas grave. Si on commence à avoir la grêle quand on est en début de floraison, bah là, a priori, c'est très mauvais parce que Ça ça va arrive tout que remettre vous par ayez de terre, la bien sûr. grêle. Bien sûr. Là, il y a eu de la grêle il y a 15 jours, il y a eu de la grêle partout ici. C'est pas tombé ici. Et entre guillemets, tant que les fleurs sont pas montées, c'est pas grave. Mais si maintenant on commence à avoir de la grêle, là ça sera plus la même limonade, quoi. En fait, c'est pas tant ce qu'a vécu la plante qui détermine son essence. En fait, c'est la quantité de fleurs qu'on met à la quantité de végétal qu'on met à distiller. C'est clair que plus on va avoir une tige longue, plus on aura d'huile dans la tige, et donc meilleur le rendement sera. C'est rare, enfin je pense pas dire de bêtises, c'est rare d'avoir des grandes tiges avec rien dedans. Ou alors c'est parce qu'il a fait froid, enfin, ou alors il y a eu un incident météo. Si on a la grêle, c'est clair qu'on va être obligé d'attendre parce qu'on sait qu'on va perdre du rendement. Si la fleur est bombardée par de la grêle, l'huile va retomber dans la tige et retomber dans la plante. C'est une mesure d'autoprotection de la plante. Donc il va falloir attendre au moins 15 jours avant de pouvoir couper parce qu'il n'y aura jamais d'huile dans la tige, même si la tige est longue. Mais là, c'est un incident météo, ça ne fait pas partie de la normalité, quoi.